parce que le sida c'est pas encore fini. Le combat continue. Hey, c'est Stamora, Don Valdez. Écoute ça. Ne les oublie pas. Tous ces gens touchés par le sida, c'est comme un combat. Ils pourraient venir frapper chez toi, l'amour est la clé. Tu te dois de réfléchir à ça pour le respecter. Tu te dois d'en parler autour de toi. Hey, si t'as envie de t'amuser, faut sortir camouflé. Si t'as des capotes, faut pas les oublier. Si t'as affecté, l'amour pas protégé. Si t'as c'est pas gagné, c'est pas effacé. Si t'as envie de t'amuser, faut sortir camouflé. Si t'as des capotes, faut pas les oublier. Sida affecté, l'amour pas protégé. Sida c'est pas gagné, c'est pas terminé. Toutes ces personnes disparues qui ont cru en l'amour, et ces personnes qui ont vu l'ami partir vers l'oubli. Ils dépensent des millions pour la guerre et la NASA. À côté Africa, Cricari ne font rien contre ça. Le sida est d'actualité mais on en parle moins dans les médias. C'est comme une mode qui passe et puis s'en va. Comme l'Amazonie qu'on détruit malgré leur blabla. Big up aux associations qui sont restées au combat pour informer les jeunes, prévenir les mamans, les papas. Rien n'est perdu, on a déjà franchi des pas. Pardon, t'as aimé, ne reste pas enfermé. Faut vaincre la maladie sans te sentir gêné. Y'a plein de personnes dans ce monde qui cherchent à vous aider et vous apportent cette force pour vous faire avancer. Y'a plein de manifestations qui sont organisées et qui te parlent de cette maladie qui les ronge. Pense juste à ce poids qui est lourd à porter. Tu te sentirais trop mal de pas y avoir pensé. Ne les oublie pas. Que le mal est là, je resterai impartial jusqu'à ce qu'on me dise y'a plus de sida. Que les malades soient soignés, qu'on réveille tous les états. Que votre vie soit belle même si elle ne dure pas. Je chante avec mon cœur que le pleur de mon âme se voit. Je pleure car trop de gens se foutent de tout ça. C'est un fléau de plus même si ça les touche pas. Je ne salirai pas mon âme en ignorant le sida. Si t'as envie d'amuser, faut sortir camouflé. Si t'as des capotes, faut pas les oublier. Sida affecté, l'amour pas protégé. Sida c'est pas gagné, c'est pas effacé. Si t'as envie de t'amuser, faut sortir camouflé. Si t'as des capotes, faut pas les oublier. Sida affecté, l'amour pas protégé. Sida c'est pas gagné, c'est pas terminé. Et ces personnes affectées par cette maladie qui les ronge, qui dérange, qui les ronge, qui dérange.